d'où je suis né, à Rivière-du-Loup. Thank you. Ben, philosophiquement. Après cette espèce d'orgasme exultatoire, mm-hmm. on recommence par la toune, plus doucement. Ben, philosophiquement. Ouais. Non, pas le hockey. Pas notre sport national. C'est comme la WWF. Ha ha ha. rempli comme ça, on l'entend pas. Moi, je vais se contenter de tourner le dos. Mais pas de chier, les gars, esti. Sauf les cracks. C'est-à-dire, ils ont pas de chier, esti. On peut pas rivaliser avec un trombone. Tu sais c'est quoi un trombone en italien? Hein? Trombone? Un trombone. Tu sais c'est quoi en italien un trombone? C'est un bizarre. C'est un bizarre. Un bizarre. Trombone. Un bizarre. Thank you. version pop. Ça, c'était un peu, je sais même pas. Ben, Umberto, c'était un peu latin. Thank you. tellement oui. fort. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Ça joue plus à côté, non? Ok, ça, je vais donner la note. Ok. We'll be right back. Ah.